nuages tombent, quand les nuages tremblent, quand la ville est obscure, quand la vie nous étrangle. Quand c'est trop d'être nul, les arnaques se multiplient et pourris font leur nid. Les pourris tout ceci. Les étoiles tombent, et qu'il n'y a plus de pluie, je dis en et je descends dans la tombe, comme d'autres ont fui, moi je tombe, comme je crois d'être en vie. Décor qui ne servent à rien, des corps, c'est des corps, des décors, c'est